pour audiocité.net. Les médecins spécialistes de Tristan Bernard, paru en 1920. La raillerie ne désarmera jamais devant la médecine. Et pourtant, jamais, nous pouvons le dire, les médecins n'ont été aussi sérieux et aussi habiles qu'aujourd'hui. Seulement, on ne suit pas les traitements. On va les voir comme des sauveurs, et si l'on n'est pas guéri au bout de 8 jours, on cesse d'obéir à leurs prescriptions. Alors on dit, un tel ne m'a rien fait. C'est que vous ne l'avez pas écouté. Si vous l'aviez écouté, il vous aurait guéri. Il fallait observer votre régime pendant 4-8 mois, le temps nécessaire. Vous connaissez Siméon ? C'est ce gros garçon barbu avec une redingote. Mais oui, voyons, vous ne connaissez que lui. Siméon vient me voir il y a 4 ans. Il savait que j'ai toujours été en rapport avec les sommités du monde médical à Paris. Siméon pesait à cette époque 270 livres. Il voulut maigrir. Je lui indique l'adresse du docteur Bellarthur, rue Lafayette. Il y va, Bellarthur l'examine et le soumet à un régime qui a déjà donné d'excellents résultats. Des exercices de marche prolongés. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Au bout de 6 semaines, Siméon avait maigri de 25 livres. Seulement, il se trouve qu'il a les chevilles un peu faibles pour la masse de son corps. Il ne pouvait plus marcher. Et il avait les pieds tout enflés. Il vient me voir. Je l'indique alors le docteur Schmitzer, un docteur d'origine autrichienne, qui guérit les affections de ce genre par des bains de pieds dans de la boue, c'est-à-dire de la terre glaise délayée. Mon Siméon suit un traitement pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, il avait les pieds complètement guéris. « Ah, me dit-il alors, combien je te suis reconnaissant. Quel soulagement je ressens de n'avoir plus ces douleurs aux chevilles. Je serais bien heureux si j'avais pas ces maux de gorge. Et il faut vous dire en effet qu'à force de tremper ainsi les pieds dans la terre mouillée, il avait contracté une infection du larynx qui le faisait beaucoup souffrir. Mais pour guérir ça, je m'empressais de lui indiquer le docteur Cholamel. Cholamel a remarqué que beaucoup de maux de gorge étaient dus à une mauvaise circulation du sang dans le gosier. Il rend sa vitalité à cet organe au moyen d'un traitement à l'électricité. Siméon suit ce traitement, et ce fut l'affaire de quelques mois à peine. Son mal de gorge disparut complètement. Malheureusement, Siméon appartient à une famille de nerveux. Il souffre d'une nervosité spéciale, qui est gravement affectée par l'électricité. Il fut pris de crise, d'un caractère très grave. Il avait chaque jour 3 ou 4 accès. Je lui dis, « Mon vieux, il ne faut pas rester comme ça. Va voir de ma part le docteur Langlevent et soumets-lui ton cas. Il te soignera ça en un tour de main. » Langlevent lui a fait prendre du bromure. Le bromure est souverain dans les maladies de nerfs, si on le prend conformément aux prescriptions du médecin, ni trop ni trop peu. Siméon se conforma scrupuleusement à l'ordonnance du docteur. Et au bout de très peu de temps, 6 mois, les accidents nerveux avaient disparu. Mon ami avait repris sa vie normale. Mais il était d'une humeur un peu chagrine, comme toutes les personnes qui souffrent de l'estomac. Le bromure, naturellement, n'est pas fait pour l'estomac. Ça le délabre, ça l'abîme, ça donne des digestions difficiles. Quand on souffre de l'estomac, il ne faut pas hésiter. On va voir le professeur Miridoff. Il vous remet en une saison. J'envoyais Siméon chez le professeur, qui l'examina, et le mit au régime des féculents. Très peu de viande, peu de vin, de l'eau et des purées, de haricots, des purées de pommes de terre, des purées de pois. Siméon fut rétabli en peu de temps. Il en fut bien heureux. Je le rencontrais chez moi, dans l'escalier, comme il venait me remercier. Il souffrait un peu, parce qu'il était très gros, dame. Rien que les farineux, il ne pesait pas moins de 322 livres. C'était trop. Il faut surveiller ça, lui dis-je, et enrayer. Mais, me répondit-il, Si je recommence à me faire maigrir, on va me faire marcher. Mes chevilles vont enfler de nouveau, etc., etc. Il ne s'agit pas de marche, lui dis-je. Il y a d'autres moyens de se faire maigrir. Je vais aller avec toi chez un autre de mes amis, le docteur Laurent Chéry. Laurent Chéry préconise surtout l'équitation, mais pas l'équitation au hasard. Il ne suffit pas de prendre un canasson au manège et d'aller faire un petit tour au bois. Laurent Chéry fit une ordonnance de 12 pages, indiquant les heures de sortie, le nombre et la durée des temps de trot, des temps de galop. Siméon choisit un cheval très fort, très vigoureux, et commença ses exercices. Eh bien, il a commencé il y a 3 jours, et son poids a déjà diminué de 36 kilos. C'est un résultat. Et il faut vous dire qu'il a fait une chute de cheval à sa première sortie, et qu'on a dû lui couper la jambe gauche, qui pesait exactement 36 kilos. Voilà donc un garçon qui a toujours suivi les ordonnances à la lettre et qui a obtenu de la médecine tout ce qu'il lui a demandé. Les médecins spécialistes, libraire théâtrale, éditeur.